t'as changé, je suis resté le même. Je les entends parler, dis-moi de quoi ils se mêlent. J'ai laissé mes démons du passé, toutes mes erreurs derrière moi. Derrière moi. Plus de temps pour les regrets, je vis comme si c'était la dernière fois. Dois-je te faire confiance? Oui, mais pas aveuglément. Dois-je te donner mon amour? Oui, mais pas passionnément. Je me dois de sauter même s'il n'y a peu d'élan. Je dois faire l'effort d'utiliser ma haine à bon escient. Savoir ce que tu penses fait pas partie de mes ambitions. Je trouve le moyen d'avancer avec ou sans bifton. Mes soucis augmentent comme ma contenance en pilon. Je suis bref quand je parle, mais mon silence en dit long. J'avance avec la discrétion d'un franc-maçon. Toujours une sortie de secours dans mon plan d'action. Je lève mon majeur en l'air à toute tentation. De façon, y'a pas sans façon de dire sans façon. Ils me regardent bizarre, je rentre pas dans leur registre. Mes bracelets font les ambiances quand j'enregistre. Je suis un Saiyan, je m'entraîne à la salle, ça va être salé, je vais découper des sabaïman. Comme les triades, je m'adresse avec une balle. Rien ne m'arrête comme Riyad Mahrez, hey. Ou un Raz Mahrez, le Real Madrid, une vraie équipe comme Ariel Patry, hey. Le regard des champs, importe peu, pas pour te plaire, j'ouvre pas ma porte à n'importe qui. C'est la pénurie avant le palace. Y'a que dans le dico que la réussite vient avant le travail. Même si tout a changé, je suis resté le même. Je les entends parler, dis-moi de quoi ils se mêlent. J'ai laissé mes démons du passé, toutes mes erreurs derrière moi. Ah, derrière moi. Plus le temps pour les regrets, je vis comme si c'était la dernière fois. Sans mon passé, je serais pas qui je suis. Pour avancer, faut pas qu'il me suive. Pas de défaite, juste de l'expérience. Je parle pas de casser des têtes, est-ce que tu me suis? Ma vie a changé, mais je reste qui je suis. Toujours le même, en être corrosif. Corrosif comme le fond de Forosis. Passons les frolosifs quand viennent les porosifs. Tout ce chemin parcouru, tes mains, je me suis pas reconnu. Dans le regard des gens. Tout ce chemin parcouru. Moi je me suis pas reconnu dans le regard. Le regard des gens c'est agencé. Je te vois niquer tes potos pour être l'argent sape. Tu dis que tu fais ça pour ta mère menteur. Elle préfère être pauvre qu'avoir de l'argent sale. Escroc. Tout pour mon clan, j'aimerais te dire qu'on est en place. Quel est ton plan? N'oublie pas que le temps passe. Les gars de ma deux bancs vont péter des canettes en bas. Tellement de fumée qui sort de la caisse et pète ton poste, quelle est ton panne? Si t'avais le moindre doute dans ton esprit, les yeux rouges de ma troupe l'anéantiraient. Fumée blanche qui sort de leur bouche quand ils respirent. Ici on est toute l'année en hiver. Même si tout a changé, je suis resté le même. Je les entends parler, dis-moi de quoi ils se mêlent. J'ai laissé mes démons du passé, toutes mes erreurs derrière moi. Ah, derrière moi. Plus le temps pour les regrets, je vis comme si c'était la dernière fois. Fuck le regard des gens.